C'est un voyou. Il finira à Cayenne. Bonjour, bonsoir. Vous êtes sur la radio des luttes nantaises, soit Radio Cayenne. Et donc, moi, ce soir, je voulais vous parler un peu de la guerre d'Espagne, au travers de différentes chansons, notamment une pour aujourd'hui qui est « Alas Barricadas ». Alas Barricadas, l'hymne de la CNT, qui a été écrit en 1933. Et donc voilà, en fait, qui appelle... le peuple, les ouvriers, ouvrières espagnoles à se révolter, à prendre les armes, à construire des barricades. Tout ça, vous connaissez, j'imagine, un peu pour certains, certaines, la chanson. Et donc voilà, en fait, cette chanson a une histoire, elle s'inscrit dans un contexte assez particulier. En fait, en 1933, comme pas mal d'autres pays en Espagne, c'est un peu une période d'incertitude où beaucoup de gouvernements aussi sont assez fébriles. Et certains basculent dans la dictature d'extrême droite, comme en Allemagne, en Italie, après, je crois que c'est après en Italie. Bref, et c'est un peu la même en Espagne, pour vous poser un peu le décor. Il y a un coup d'état déjà qui intervient en 23, il me semble, par là, où il y a une dictature qui va durer à peu près 7-8 ans. Et donc voilà, en fait, le peuple espagnol, il est un peu dans cette période incertaine, et c'est ce que disent un peu les premières paroles... des tempêtes noires agitent les airs, des nuages sombres nous empêchent de voir, nanana. Même si la mort et la douleur nous attendent, le devoir nous appelle contre l'ennemi. Peut-être qu'on peut se l'écouter un peu pour se remettre dedans, un peu après. Je vais essayer de vous résumer un peu l'histoire de la CNT, de ce que c'est, tout ça, pour un peu mieux que vous voyez le décor. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte. hay que defenderla con valor, alta la bandera revolucionaria, por el triunfo sin cesar nos llevan pos a la barricada, a la barricada, por el triunfo de la Confederación. C'était A las Barricadas. On vous a mis deux versions différentes. Donc, vous voyez, c'est un chant qui a été pris, repris, rechanté à travers différentes époques. Et qui, d'ailleurs, en fait, à l'origine, n'est pas. Enfin, c'est pas une composition, en fait. Enfin, elle a déjà reprise, en fait, cette chanson A las Barricadas de La Varsovienne, en fait. La Varsovienne, qui est une chanson à la base traditionnelle polonaise et qui a été. Un peu reprise par un poète polonais, là, je vois, à la fin du 19e, et qui devient vraiment un chant assez iconique, ça se dit pas trop, bref, un chant symbolique pendant la révolution russe, les deux révolutions russes, et qui est beaucoup chanté en fait par des incarcérés pendant voilà, les deux révolutions. Et donc il sera repris un peu, je pense pas de manière anodine, en 33, et réécrit par un certain Valeriano, on s'en fout un peu, Valeriano Orobón Fernández. Qui est un théoricien anarchiste, tatatitatata, qui fait partie de la CNT du coup. Et donc voilà, la CNT, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que donc ? La CNT, du coup, ça, c'est CNT pour Confédération Nationale del Trabajo, soit Confédération Nationale du Travail en français. Donc c'est une confédération, c'est en fait une organisation, du coup, anarcho-syndicaliste, on peut dire, qui est issue, en fait, je pense, on peut un peu retracer l'histoire. Qui est en fait, qui du coup créé en 1910. Il y avait déjà en fait une première organisation internationaliste anarchiste qui s'était fondée au début du siècle en fait, où au début du siècle l'anarchisme était très présent partout en Europe en fait. Propagande par le fait, tatatitatata. Enfin voilà, pour vous poser un peu le contexte, mais c'est notre histoire. Mais donc voilà, c'est quand même un courant de pensée qui est assez présent partout en fait, dans les peuples, les masses populaires. Enfin, c'est pas une avant-garde isolée quoi. Et je pense que ces mouvements en fait de confédération et de un peu de regroupement massif, ils existaient aussi déjà avant avec les premières internationales communistes qui sont à la fin du 19e. Et donc voilà, il y a un peu, je pense, un mode de pratique qui se fait pas mal à ce moment-là. Donc ça part en 1910, un peu, une coalition du coup de différentes forces, d'anciens groupes, collectifs, qui décident de se regrouper. Qui du coup prend la forme d'un syndicat, notamment, qui s'implore du coup dans les usines, et qui un peu joue sur deux tableaux, ce truc de syndicat du coup, qui défend les droits des travailleurs et des travailleuses directement sur le terrain, et en même temps qui essaye de porter un idéal libertaire en fait, plus sur long terme, en fait, pas juste justement une résistance sur le présent, mais en fait de vraiment présenter un projet politique pour le futur, et qui va tenter de s'inscrire à plusieurs reprises dans des mouvements justement pour tenter de faire basculer le courant des choses, comme je vous ai dit, où là, notamment pendant l'entre-deux-guerres, les gouvernements sont assez fébriles et le système assez instable. Et donc, on va essayer de peser dans la balance pour faire basculer les choses. Il faut savoir que, du coup, à sa création, ça compte... Enfin, au début, c'est un petit truc, quoi, mais dès le début de la guerre, du coup, en 1915, c'est 15 000 adhérents. Et en fait, à la fin de la guerre, où elle va passer à 1 million d'adhérents, sachant que pendant la guerre, justement, l'Espagne s'industrialise beaucoup et du coup voit le prolétariat beaucoup augmenter en nombre. Et donc voilà, en fait, c'est vraiment, en fait, c'est pas juste une avant-garde comme ça isolée, mais vraiment un syndicat de masse, quoi. Donc tatatitatata, fin de la guerre, 1 million d'adhérents. Et en fait, comme je vous ai dit, en 23, une dictature se met en place en Espagne par un coup d'État de Primo de Rivera. Je sais pas qui c'est, j'ai pas l'histoire exactement de toute cette truc, mais vous irez chercher, hein. Bisous. Et du coup, en fait, notamment là, pendant cette dictature, la CNT est interdite. Et en fait, il y a pas mal un climat, enfin, assez tendu. C'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, où les patrons et le gouvernement, justement, enfin, engagent des gens, en fait, pour buter les représentants syndicaux et les militants, en fait, qui luttent dans les usines directement. Et donc, la CNT, en réponse, va justement s'organiser face à ça. Et ça va être un peu une de leurs campagnes, en fait, de... Là, par exemple, une affiche œil pour œil, de en fait rendre coup pour coup et de un peu créer cette autodéfense de classe, on peut dire. Et c'est notamment en fait pour ces actions-là et pour d'autres que la FAI va se créer. La FAI, j'ai plus l'acronyme, si je l'ai. Fédération anarchiste ibérique. Du coup, la FAI, elle est fondée en 1927, et justement, elle représente un peu cette deuxième facette de la CNT, qu'on peut dire un peu, je sais pas, plus dans l'action directe, quoi, et illégaliste, qui va, du coup, voilà, mettre en acte ces pratiques de spontanéisme révolutionnaire, de tentatives insurrectionnalistes et de lutte armée. Et la CNT qui va garder cette façade un peu plus de communication massive et de travail de syndicats dans les lieux de travail. Et donc voilà, ça crée pas mal de tensions en fait tout ça. C'est enfin dans toute l'histoire de la CNT en fait, elle sera tiraillée en fait par un peu son idée principale d'anarcho-syndicalisme qui du coup est plus tiré d'un côté par les anarchistes et d'autres par d'autre côté par plus les syndicalistes. Même s'ils arrivent à s'unir en fait, il y a des différends qui ressortent sur bah voilà comme je vous l'ai dit ce truc de en fait, il faut construire un truc de terrain et d'être vraiment présent dans les usines, et c'est ça le travail principal. Et toute tentative insurrectionnelle ou de lutte armée, en fait, c'est une peine perdue et c'est pas le truc. Et les autres qui disent que le contexte, justement, est propice à ça et qu'en fait, il faut saisir l'opportunité là pour tenter des trucs comme ça. Et notamment, par exemple, là, pour le côté plutôt anarcho, il y en a qui se font surnommer justement les anarcho-bolcheviques, par exemple, le Durruti. Ascaso, j'ai pas les autres noms, bref, qui eux misent justement sur cette stratégie-là de créer des petites insurrections là où ils sentent que le climat y est propice, quoi, en se disant que bah, en fait ça suivra derrière. Ce qui n'a pas suivi et pas marché. Ouais. Donc voilà, la CNT fait son petit chemin et puis on arrive en 33 à Las Barricadas. Wouh! Donc elle a perdu quand même pas mal de monde en devenant illégale pendant la dictature de que je vous ai dit en 23, elle redeviendra légale parce qu'en fait elle a en 31 ou je sais plus quoi, enfin quand ça redevient une république parce qu'elle a participé en fait à casser la dictature et à ramener une république du coup en échange le nouveau gouvernement en place en fait ne comprend aucun langage. Non, les remet dans la légalité, les réautorise. Et donc en fait on arrive à 36 ou 36 pareil, c'est hyper instable au dernier, enfin le gouvernement est toujours hyper faible. Et les Espagnols n'ont plus du tout confiance en leur gouvernement. Et en fait, oui, il y a ce truc de Front Populaire qui arrive. Donc, en fait, c'est début 36, il y a des élections qui arrivent en mai. Donc, aux dernières élections, en fait, il y avait un gros taux d'abstention. Donc, voilà pour vous un peu, qui traduit un peu bien ce manque de confiance des citoyens et citoyennes qui ont perdu confiance en leur gouvernement. Et donc, il y a cette tentative de Front Populaire, en fait, du coup, d'unir tous les partis de gauche. Un peu face justement aux nationalistes qui sont aussi bien présents en fait en Espagne, et donc tous les partis gauches disent unissons-nous, oui. Et face à ça, la CNT elle est bah, justement dans son principe anarchiste d'abstention du coup et de don't trust the government, soutient quand même ce front qui elle sent est quand même plutôt chouette plus que du nationalisme, mais enfin n'appelle pas à voter quoi. Elle dit. Elle, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va pas juste, elle va juste pas relancer son appel à l'abstention pour les élections. Voilà. Et en fait aussi parce le Front Populaire, en fait, dans son programme, propose l'amnistie de tous les prisonniers politiques. ce qui l'arrange plutôt, sachant qu'à peu près 15 000 anarchistes sont en prison. Voilà. Donc les élections passent, le Front populaire gagne, oui, mais en fait c'est de la grosse chiasse. Comme les gouvernements d'avant, il fait rien, il est complètement. En fait, vu que c'est une alliance en fait qui s'est juste liée sur cette idée d'antifascisme, en fait elle arrive à rien proposer derrière et elle a aucune force. Et donc en fait, les nationalistes profitent en fait de ce vide pour commencer à monter un coup d'État en fait. Et donc qui va partir en fait de plusieurs généraux du corps d'armée et d'autres anciens cadres de partis de droite. Et donc le gouvernement en fait face à ça fait strictement rien, sinon de essayer d'isoler les différentes têtes du truc. Mais enfin voilà, en fait ce coup d'État il n'est pas complètement caché, ils se préparent, ils le savent, mais n'agissent pas quoi. Et donc juillet arrive. Et ce qui va un peu déclencher le coup d'État, c'est l'assassinat de je sais plus qui, mais un gars de droite en gros. Où là ils vont se dire c'est bon, on y va, le peuple va nous suivre comme ça. Et donc voilà, le coup d'État se passe le 17 juillet je crois. Et donc c'est plutôt la loose. Est-ce que pour ça, on se mettrait pas un petit coup d'une chanson qui s'appelle Juillet 1936? Juillet 1936, dans les casernes catalanes, la mort bute sur les milices et le peuple compte ses armes. Dans les villages et les hameaux, les paysans groupent les terres en un seul et riche morceau. Et passe le vent libertaire. Je pense à vous, vieux compagnons, dont la jeunesse est à la douane. Et pardonnez si ma chanson vous refait mal à votre Espagne. Mais j'ai besoin de vous apprendre, j'ai envie de vous ressembler. Je gueulerai pour qu'on entende ce que vous m'avez enseigné. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades comme hier la Confédération. À quelques heures de Barcelone, se sont coupés des menuisiers. Et sans patron, tout refonctionne. On sourit dans les ateliers. Sur la place de la mairie, qu'on a changé en maternelle, des femmes ont pris la blanchisserie et sortent le linge au soleil. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades et la vie, nous la gagnerons. Tandis que quelques militaires font leur métier de matador, des ouvriers, des ouvrières détruisent une prison d'abord. Là-bas, c'est la mort qui s'avance, tandis qu'ici, à madame, c'est l'anarchie. La liberté dans l'espérance, ils ont osé la vie possible. Bonsoir. Nous sommes le 17 juillet 1936 dans les casernes catalanes. La mort bute sur les milices. Le peuple compte ses armes. Donc voilà. La guerre civile a commencé en Espagne, les fascistes ont lancé un coup d'État, renversé le gouvernement, et on peut dire que c'est la grosse merde. Donc face à ça, en fait, la CNT, qui est quand même donc toujours là, qui est revenue avec son bon million d'adhérentes, et une bonne force, surtout en Catalogne, où elle est particulièrement présente, donc va décider en fait de faire le choix de prendre les armes pour reprendre en fait les terres qui ont été conquises par le fascisme. Et donc s'organiser sous forme de milices en fait, qu'on appelle aussi les colonnes. Donc pour vous présenter un peu le fonctionnement de ces colonnes en fait, c'est du coup des groupes de lutte armée qui fonctionnent en fait sans fonctionnement militaire, enfin au sens de l'armée quoi, en tentant d'éviter au maximum la hiérarchie et l'autoritarisme, et en fait va essayer de faire marcher la discipline par l'autodiscipline, ce qui est plutôt compliqué. Je pense que vous le savez mieux que quiconque. Pour vous expliquer vite fait, une colonne, en fait, c'est un... Je vais partir dans l'autre sens, en fait. Je vais partir du plus petit groupe, d'abord, c'est le plus simple. Donc la plus simple unité d'action, en fait, c'est le peloton, qui est vraiment la unité de combat, en fait. Je pense un peu une escouade où c'est des gens que tu connais, avec qui tu combats sur le front. Ce petit groupe, ce peloton, va choisir un ou une déléguée. Je ne sais pas en fait à quel point justement les femmes étaient incluses en fait dans ces fonctionnements-là et tout. Il me semble qu'il y avait des brigades mixtes et tout. Mais enfin bref, je ne sais pas enfin, si je dis un, une déléguée ou bref. Ce délégué qui était révocable à tout moment et qui va en fait les représenter du coup à l'échelle supérieure. L'échelle supérieure qui est la centurie, qui est là un peu un regroupement de quatre pelotons, soit environ 100 personnes. Pareil, en fait, il y a toujours des discussions en fait aux différentes échelles, et petit à petit, en fait, c'est les délégués de l'échelle d'en bas qui retransmettent les envies, les besoins du groupe, quoi. Donc la centurie, une centaine de personnes, le bataillon, regroupement qui est composé de 5 centuries, donc 500 personnes, et enfin du coup la colonne qui est composée de plusieurs bataillons, donc la totalité, quoi. Et il y a plusieurs colonnes. Et donc à chaque fois il y a un délégué, avec aussi un délégué de la colonne. Et ce délégué de la colonne est donc au comité de guerre. Wow, ça fait peur tous ces mots. Comité de guerra. Et en fait, donc pour chaque colonne, il y a un comité de guerre qui en fait s'occupe de coordonner en fait les différentes actions de la colonne et qui est un peu secondé en fait par un autre conseil composé d'anciens militaires ou actuels de métier, qui ont choisi du coup de rejoindre le rang des contre-insurgés. C'est bizarre de dire ça, parce que du coup c'est vraiment des contre-insurgés. C'est les fascistes qui sont les insurgés et les contre-insurgés. Voilà. Parce que c'est quand même ça. Et qui doit en fait juste assister le conseil de guerre dans ses décisions en fait, parce que sinon les autres c'est un peu des bolosses qui n'ont jamais fait la guerre. Donc ça s'invente pas. Donc voilà, il faut bien savoir que chaque délégué était révocable à tout moment en fait, et avait vraiment pour but de retransmettre les idées du groupe et pas les siennes. Et il n'avait aucun avantage, aucun privilège lié à son statut quoi. C'était vraiment sur un truc de volontariat je pense, et c'était pas un truc de prise de pouvoir dans l'idée. Sauf qu'enfin voilà, ce fonctionnement en fait qui refuse un peu le fonctionnement militariste, justement avec des rôles définis qui tournent pas, qui sont assignés, qui spécialisent les gens, bah, trouvent un peu ses limites quand même, parce que, comme je vous l'ai dit, et comme vous le savez, l'autodiscipline, c'est une vraie galère. Et donc, en plus, encore plus en temps de guerre, où les exigences sont pas les mêmes, et les enjeux sont pas les mêmes, ce qui va amener, en fait, petit à petit, aux colonnes à adopter, en fait, le fonctionnement militaire, courant, en fait, surtout de l'automne, quoi. Sous pression en fait du gouvernement qui est toujours en place, qui sert plus à grand chose mais qui est toujours en place et qui a quand même des moyens de logistique, notamment pour fournir les armes. Donc le gouvernement en plus au bout d'un moment va carrément refuser de supporter en fait les colonnes qui refusent ce fonctionnement type de l'armée, en par exemple les privant de matos et de munitions, ce qui est un peu con quand même en temps de guerre. Donc voilà, c'est les colonnes vont adopter petit à petit le fonctionnement de l'armée et être intégré du coup à l'armée populaire régulière, et qui donc fait l'armée et une armée un peu plus classique quoi, un peu moins stylée. Donc voilà, les colonnes s'organisaient en fonction des régions. Il y en avait des plus ou moins célèbres, ils avaient des petits noms sympas et tout. Mais je vous laisse découvrir ça. Et je pense enfin, il y avait un truc aussi vraiment de. Du coup, là, les petits groupes de 25 personnes avec qui tu luttes, en fait, c'est des gens que tu connaissais déjà avant, quoi, avec qui tu t'organisais déjà avant. Et en fait, par exemple, dans les usines, en fait, c'était juste des ouvriers qui prenaient les armes et qui devenaient pas militaires pour autant, en fait, qui restaient ouvriers en quelque sorte. Et donc voilà. Et en fait, pour coordonner tout ça, du coup, c'est. Comme je vous ai un peu expliqué, c'est le gouvernement, en quelque sorte, qui coordonne tout ça à travers un comité central des milices antifascistes. Et en fait, justement, la CNT y participe et a même impulsé ce comité. Et qui, en fait, au début, elle y participait pleinement. Et justement, ça aussi, ça a encore créé beaucoup de dissensions au sein de la CNT même, qui, au début, refusait complètement cette idée de participer à l'appareil gouvernemental, qui jugeait complètement contre-révolutionnaire et enfin, impropre, enfin, qui n'avait pas sa place, quoi. Mais qu'en même temps, bah, permettait un front assez fort. Et donc voilà, ils ont impulsé cette création, participé beaucoup, mais en fait, au final, c'est quand même ce qui les a rattrapés sur la fin et les a perdus quoi, dans vraiment cette militarisation. Perdus ou pas, je sais pas. Et voilà. Je sais pas si les autres, vous avez des petits trucs à rajouter. Moi, je pense c'est tout ce que j'ai à vous proposer pour aujourd'hui, mais je propose de vous redonner un peu la suite avec pourquoi pas d'autres chansons qui racontent un peu la suite. Notamment la juillet 36, 1936, j'en ai pas trop parlé, mais un peu, voilà, peut-être vous parler la prochaine fois de comment ça fonctionnait vraiment la vie quotidienne, quoi, dans les régions où la CNT était en place, quoi. Les régions contrôlées par la CNT. Et on peut peut-être expliquer aussi plus l'issue de cette guerre qui a terminé en 39, du coup par la victoire de Franco et des fascistes. Et donc voilà, pour moi ça va être tout pour ce soir. À bientôt pour une prochaine fois sur la guerre d'Espagne. Et je vous laisse en musique.